gros seins. Hell. Un petit négro simple, mais apparemment qui gêne. Qui ne veut rien faire comme les autres, différents, comme un indigène. Qui ne clique jamais sur j'aime, qui se mélange pas à la masse. Issu d'un foyer solide dont je ne suis pas un enfant de la NAS. Mais c'est les bras, je n'y ai jamais songé, même pas dans mes pires cauchemars. Vu que la nuit porte conseil, je fais partie de la team Couchetard. J'ai tellement de projets en tête que ça ne m'étonnerait pas qu'elle explose. Pas le temps pour les regrets, c'est pour ça que j'ignore mes ex-go. On se déplace en équipe, faut que j'investisse dans un monospace. Je suis pas dans la drogue, moi je ne calcule pas quand un bonos passe. Je fais mon sport, je fais mes thunes. Proprement comme ski. La plupart des rappeurs mentent, moi je n'écoute pas leur speech. Je me respecte, je te respecte, la vie c'est donnant donnant. Je n'ai pas le temps de faire la guerre, je peux perdre ma vie au volant. Les chiens ne font pas des chats, tu comprends pourquoi je suis un lionceau. Le savoir est une arme, j'ai mes griffes, donc n'ayez vignoso. Je suis contre la violence, t'as vu mes griffes sur la pochette. À ma décharge, c'est pour mon autodéfense. J'ai trois lames, juste pour pas la frire les jaloux. Et pour proclamer un rappeur de Paname. C'est X-Men parce que je suis fan de Hill et Wolverine. Un coup de lame à tous les suceurs qui me volent mes rimes. Black Brut et qui est Wolverine. Black Brut et qui est Wolverine. Je tends la main, on m'arrache le bras à force, j'ai l'habitude. Et de quelle planète vient cette espèce, mi homme, mi pute. Je suis sur ma branche bébère, je mène ma vie banale. Ce qui me différencie des autres magas, c'est que je mange pas de banane. Je collectionne les pompes comme Ségou ou Mandal. Je crache sur les lâches qui donnent des coups aux femmes comme Ganda. Je pousse la fonte 140 kilos, 3 reps. Je regarde un match de Liverpool, les Reds, triplé de Suarez. Ne fabule pas sur ma vie, comme toi je pète et chie. Non, non, j'ai pris de la masse, c'est pas mon pull qui a rétréci. Je viens de Corbeil, mais je vis sur Prétinit puis biche. J'ai pas fait de clip à la nacelle, donc on m'invente des litiges. Une spéciale pour Kalou, Mugit, Shoka, Maximum, Lucas, Cameo, Stash, Lamsa, Mamadou, Brahim. Non, n'oublie pas, je viens d'où, je vous valide. Je suis contre la violence, t'as vu mes griffes sur la pochette. À ma décharge, c'est pour mon autodéfense. J'ai trois lames, juste pour pas la frire les jaloux. Et pour proclamer un rappeur de Paname. C'est X-Men parce que je suis fan de Hill et Wolverine. Un coup de lame à tous les suceurs qui me volent mes rimes. Black Brut et qui est Wolverine. Black Brut et qui est Wolverine. J'ai fait mes premiers pas grâce à des groupes comme ZHS. L'éducation des darons m'a fait éviter le QHS. Je suis reconnu dans les rues de ma ville comme la patate de Jackie. Depuis j'avais un frère, certains pensent que je porte le képi. Un mec cool, je tape des barres de rire, des barres sneakers. Je demande le silence quand mon nom est scandé par le speaker. C'est mon côté arrogant, ça, personne n'est parfait. Si je venais à percer, sois sûr, ce n'est pas les jambes écartées. Comme tout homme, il m'arrive de douter, de bouder. J'appuie sur pause quand je trouve que mon cerveau est overbooké. J'ai pas de quoi demain sera fait, donc j'en profite seulement. L'élève était passé le maître, repart à l'entraînement. Je suis pas parti de la relève, je rappais quand t'avais le biberon. L'élève ne dépasse pas le maître, regarde Jordan et Libron. Au final, je suis un négro simple, mais apparemment qui gêne. Je reste vrai, je ne joue pas de rôle, moi, comme Roche Dizaine. Je suis contre la violence, t'as vu mes griffes sur la pochette. À ma décharge, c'est pour mon autodéfense. J'ai trois lames, juste pour pas la frire les jaloux. Et pour proclamer un rappeur de Paname. C'est X-Men parce que je suis fan de Hill et Wolverine. Un coup de lame à tous les suceurs qui me volent mes rimes. Black Brut et qui est Wolverine. Black Brut et qui est Wolverine. J'suis contre la violence, t'as vu mes griffes sur la pochette. À ma décharge, c'est pour mon autodéfense. J'ai trois lames, juste pour pas la frire les jaloux. Et pour proclamer un rappeur de Paname. C'est X-Men parce que j'suis fan de Hill et Wolverine. Un coup de lame à tous les suceurs qui me volent mes rimes. Black Brut et qui est Wolverine. Black Brut et qui est Wolverine.